Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Nicolas Cage voit l'avenir. Un professeur ouvre une boîte enterrée depuis des années dans l'école primaire de son fils. À l'intérieur, il trouve quelques prédictions qui font froid dans le dos. Certaines ont déjà eu lieu et d'autres seraient sur le point d'arriver. Il y a 50 ans, les élèves de l'école William Dawes ont imaginé ce qui pourrait se produire dans le futur. Aujourd'hui, nous découvrons ce qu'ils nous ont légué. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'aurais pas dû le ramener à la maison, tu sais que ça appartient à l'école. Mais ça veut peut-être dire quelque chose quand même, comme une carte cryptée, je sais pas. C'est une liste de dates, celle des plus grandes catastrophes de ces 50 dernières années dans un ordre parfait. D'après le prochain nombre sur la liste, demain, 81 personnes vont mourir dans des circonstances tragiques. Descendez du train. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne restez pas là avec le bébé, descendez. Un premier bilan fait état de 81 morts. La prédiction s'est réalisée, ce n'est pas une coïncidence. Les nombres sont un avertissement. Ceci n'est pas une simulation. C'est un message d'alerte radiodiffusé. Prédiction avec Nicolas Cage, un DVD M6 Vidéo.